moi j'ai envie d'en vivre. Je me cherchais sans cesse en quête d'une identité. J'ai pas appris dans les livres. Je me suis forgé tout seul, mais tout seul c'est compliqué. En bref. Je veux être moi, non, je veux pas te paraître. Tu sais, les gens, moi je les laisse parler. Vas-y, viens dans mon monde, on est tous pareils. Pour une fois, on se fait pas de paille. Sans doute.